Il retrace en tout cas l'historique, notamment des actions menées entre les deux pays ces 3 dernières semaines. Et parfois, on nous taxe parfois d'être très alarmiste sur le cas centrafricain. Mais quand on a les éléments probants qui nous viennent quand même d'une source assez crédible, qui est Jules, est-ce qu'il n'y a pas lieu finalement de continuer à maintenir cette sonnette d'alarme pour effectivement éveiller, comme ça a été le cas de ce communiqué signé il y a peu par une formation politique du côté de la République centrafricaine, pour attirer l'attention des autorités locales sur ce qui se trame davantage, notamment du côté de Gorée? Je remercie Jules pour ces précisions et ces informations qu'il nous apporte, qui ne font que confirmer ce que nous nous disons depuis longtemps, moi particulièrement. Vous savez, dans ces questions, je n'ai pas du tout varié. La présence militaire française au Tchad est un danger pour la sous-région Afrique centrale. Je dis un danger. Je tiens à N'Djamena avec Jules, ça c'est. Vous ne pouvez pas, mon cher Fabrice, vous hasarder en tant que même citoyen tchadien d'aller même vers les alentours de cette base militaire. C'est impossible. Même le ministre tchadien ne peut pas arriver là-bas sans l'accord de la France. C'est un état dans l'état. L'affaire de cette base militaire est la source de toutes les déstabilisations qui peuvent se produire sur notre continent. Mais je pense que nous faisons son abstraction d'une réalité. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre cette oligarchie, n'est-ce pas, du monde occidental. Nous sommes en guerre pourquoi? Nous sommes en guerre parce que dans la configuration géopolitique mondiale, l'Afrique était la dernière frontière où pouvait se jouer un jeu géopolitique pour donner l'ascendant à un camp vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Le camp des tenants d'un monde unipolaire sous la domination occidentale et le camp de la liberté qui, on l'espère, va finir par créer un monde multipolaire source de souveraineté pour le peuple et les pays du monde, de liberté et d'indépendance. Et c'est dans cette optique que vous avez vu les manœuvres occidentales qui ont commencé par l'Afrique de l'Ouest, pas toute l'Afrique, mais qui ont, j'ai dit, du point de vue de l'affrontement de manière violente en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu comment ils ont inondé la bande sahélo-sahélienne de leurs mercenaires pour ne pas permettre que l'Afrique, effectivement, puisse agencer le projet de construction d'une véritable unité de notre continent. Quand vous avez un continent qui, d'un seul tenant, a plus de 30 millions de kilomètres carrés, qui est coupé en son centre par cette bande sahélo-sahélienne où on installe la chenille de manière permanente, vous attendez à quoi? Le président Faustin Archange Touadéra a été le premier à sonner le tocsin de la révolte en décidant de se défaire de la présence encombrante et tutélaire de la France sur son sol. Il ne s'est pas limité là. Il a agencé par un certain nombre de dispositifs politiques, économiques, civilisationnels, pour rendre enfin la souveraineté au peuple de Centrafrique. C'était le crime de lèse-majesté qu'il ne fallait pas commettre. La France a essayé, par tous les moyens, de déstabiliser, d'abord ouvertement, le président Faustin Archange Touadéra. Heureusement pour lui, qu'il avait pris les précautions d'usage en se mettant en accord avec de nouveaux partenaires qui ne sont pas les moindres. C'est ça l'explication de la présence russe en Centrafrique, avec des alliés de taille, comme c'est le cas du Rwanda. Il y a encore le Rwanda, c'est le Cameroun, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont le rôle pour la stabilisation de la Centrafrique, l'autonomisation de la Centrafrique, vaut son pesant d'or. J'étais en Centrafrique, je sais de quoi je parle. Donc, on voit comment l'Occident est en train de perdre sur la bande, sur cette bande sahélo-sahélienne du côté ouest, ou le Mali, ou le Burkina, et même là, dans une bonne mesure, la Guinée-Conakry se sont réveillés après le tocsin sonné par leur aîné, le président Fossin Akan Touadéra, sur le côté est. Qu'est-ce qui se passe? Leurs armées sont déboutées des théâtres d'opération maliens et burkinabés. Ils sont tous déployés au Tchad, qui est devenu la profondeur stratégique de Paris au niveau du golfe de Guinée. Ils sont déployés au Tchad. Pourquoi? Parce qu'au Tchad, malheureusement, après la mort du maréchal Idriss Déby, non, il n'y a plus de leadership. Même la venue au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby ne pose problème. Et la manière dont il a été adoubé par Paris. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'avec les derniers événements qui se sont passés au Tchad, avec cette boucherie dont nous avons contesté sur le plateau, en disant au président Mahamat Idriss Déby, attention. Avec ce qui s'est passé sur ton propre sol, contre ton propre peuple, les autres vont te tenir en laisse. Et c'est ce que Jules vient de nous dire. Ils vont te tenir en laisse et utiliser le sol tchadien pour opérer des manœuvres de déstabilisation multiples, variées en direction de la Centrafrique. Pourquoi en direction de la Centrafrique? Mais parce que depuis nos indépendances, pour la première fois, on voit un pays qui prend des décisions hardies pour donner du sens à son indépendance et sa souveraineté. Les derniers accords, Fabrice Ndoum, opéré entre la République centrafricaine et les BRICS, accord économique. Tout à fait. Mais c'est une bombe thermonucléaire avec des déflagrations et des sous-munitions inimaginables. Je dis que inimaginables. Vous avez dans ces projets qui font trembler Paris et tout le monde occidental des fondamentaux de la liberté, de la libération du continent africain. On vous dit comment mettre sur place une bande de BRICS. On vous dit comment mettre sur place une possibilité d'exploitation de l'or avec, comment on appelle ça, industriel, de manière industrielle. On va faire un chemin de fer qui va partir de Bangui à Douala. C'est des milliers de milliards d'investissements. On va construire une ville nouvelle. Ça dit qu'on va oublier Bangui. On va construire toute une ville nouvelle. Je ne sais pas si vous avez très bien ce que je suis en train de dire. On va construire une ville nouvelle. Vous savez ce que c'est, la construction d'une ville nouvelle. Allez regarder ce que l'Égypte est en train de faire avec sa nouvelle capitale. Tout à fait. C'est un indice pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Le chemin de fer de Bangui à Douala, de quoi il s'agit? On ne se limite pas là. Il y a sept projets. Et parmi ces projets, l'homme qui a le plus retenu mon attention et m'a mis de bombe au cœur, au point où, si j'avais un litre de matango ce jour-là, je le vivais vraiment en dansant comme un gamin. On va permettre à la République centrafricaine d'avoir, sur le plan de l'autonomie, de l'indépendance énergétique, des mini-centrales nucléaires pour donner l'électricité à toute la Centrafrique et même aux pays voisins, et permettre une véritable industrialisation de ce pays. C'est du jamais vu. Alors que nous savons pertinemment que la République centrafricaine, le Centrafrique, est traversée par, n'est-ce pas, des courants d'eau. J'allais dire, ils ont un bassin hydraulique très important. Mais non, mais on utilise une arme, c'est-à-dire que irréparable, que Paris lui-même utilise pour, n'est-ce pas, pour son énergie. C'est ça qu'on nous apporte. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que ça signifie. À partir de ce moment-là, ce pays qui était considéré comme le pays le plus pauvre du monde mondial, comme les Africains, devient aujourd'hui l'Eldorado vers lequel va affluer l'essentiel des intelligences africaines pour donner du sens au pouvoir, à la possibilité stratégique de l'Afrique de créer ce qu'on appelle un véritable développement. J'ai discuté avec des officiels centrafricains qui m'ont dit, parfait, pour lancer tous nos projets là qui sont déjà dans les boîtes qui sont là et dont la concrétisation réelle vient d'être opérée par la signature de ces accords, le Centrafrique va faire un appel d'air en termes de population pour venir développer notre pays de l'ordre de 35 millions, je dis bien 35 millions d'Africains. Est-ce que vous comprenez ça très bien, monsieur Ndoum? 35 millions d'Africains qui sont attendus en Centrafrique pour développer ce pays, le cœur de notre continent, et démontrer la face du monde que l'Afrique peut. L'Afrique a de l'intelligence, l'Afrique a du know-how, l'Afrique a surtout des ressources pour arrêter de vivre comme des gamins dont les poches sont bourrées de diamants et mais qui sont affamés alors qu'ils sont sous la tutelle française depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 100 ans. Avec pour dividende que la misère. La paupérisation de nos populations. Le refus du développement, c'est-à-dire le développement nous a tourné le dos. Malgré toutes nos richesses. Mais avec les golibets, les crachats, les narratifs qui font de nous des sous-hommes. Nous mangeons le président Bokassa, manger les hommes. Mm-hmm. Tout le monde a grandi avec ici. Il avait la chair humaine dans ses frigos. Voilà ce à quoi on nous réduit. Donc, quand le président Faustin Akash Touadéra commence à dérouler ce formidable projet d'humanisation, c'est-à-dire qu'il donne enfin de la dignité à l'homme noir en général, je peux vous dire que du côté de l'Occident, c'est la panique totale. D'où la mise en place de ce poste avancé de gauche. La mise en place de ce projet criminel de la part de l'Occident de Paris pour que justement toutes ces bonnes nouvelles qu'on nous a annoncées ne voient jamais le jour. On veut détruire le Centrafrique, on veut tuer le président Faustin Akash Touadéra parce qu'il a joué son rôle d'intellectuel. Un intellectuel, je dis ça de manière ramassée, c'est quelqu'un qui de par sa vision est comme celui qui tient la lanterne illuminée pour son peuple qui est dans une caverne noire. Il montre le chemin pour qu'il sorte de cette obscurité et arrive enfin à la lumière. C'est ça le rôle d'un intellectuel. Un intellectuel, ce ne sont pas les bandages, les livres qu'on écrit, les trucs qu'on colloque qu'on va faire à Paris, à Londres, à Washington, je ne sais pas où, à Ottawa. Non, un intellectuel, voilà, c'est ça son rôle. Et le président Faustin Akash Touadéra, par excellence, nous a montré qu'il était un intellectuel. Et c'est ça qui est dangereux pour Paris. Je ne parle pas de Sangokoy, qui va être la voie précédente pour contourner votre fameux franc CFA et vos comptes d'opération. Donc voilà. Et je lance un cri. Je dis au président Mahamat Idriss Déby Itno, président, chers frères, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que le jeu qu'on veut vous faire jouer est extrêmement dangereux, président. Chers frères, excellence, n'acceptez pas d'être l'homme par qui le malheur de l'Afrique va arriver. Chassez tout à fait cessante les Français, les militaires français de votre sol. C'est une véritable catastrophe qui se prépare. Pour toute l'Afrique, président. Et ils veulent faire de votre pays cette profondeur stratégique, comme ça vient de faire, une mini-Ukraine, quoi. Une mini-Ukraine sur le sol africain. Pour tenter de briser, n'est-ce pas, tout cet espoir qui prend corps après plus de 10 ans, hein, Jules, de travail acharné sur ce plateau d'Afrique Média, où enfin nous avons l'impression que les préminences institutionnelles et diplomatiques de notre continent commencent à nous écouter et à prendre corps, c'est-à-dire à transformer dans la réalité tout ce que nous avons comme possibilité aujourd'hui d'aller de l'avant. C'est votre aîné qui vous le dit. Vous êtes chef d'État, oui. Mais en tant qu'aîné, pour avoir beaucoup vu, pour avoir beaucoup écouté et appris, je dis, monsieur le président, faites très attention. Faites très attention. Ne servez pas de pont avancé de tout ce qui va se créer là pour déstabiliser notre continent. Le Tchad est un grand pays. Un excellent, le pays de Toumaï, historiquement, c'était un énorme pays. Mais on ne peut pas se servir du Tchad aujourd'hui, qui est d'ailleurs très riche. Je ne l'oublions pas. Pour nous faire croire que c'est la petite présence française avec le faux don qui nous donne. Le budget de Tchad, c'est 1000 et poussière de francs CFA. 1000 milliards et poussière de francs CFA. On a réduit pour la Centrafrique encore plus grave, à moins entre 250 milliards et 280 milliards de francs CFA. Le budget d'un pays comme le Centrafrique. C'est ça le résultat de Paris. En termes de le prétendu allié quasi naturel historique. Ouais. Voilà son résultat. Alors que là, avec un claquement de doigts, avec la signature de l'accord que je viens de vous le dire, on va créer un cercle vertueux de développement qui ne va pas s'arrêter seulement à la République centrafricaine. L'ensemble de ces projets pharaoniques qui vont se déclencher en République centrafricaine vont créer de la croissance dans toute la sous-région. Parce que les sous-traitants viendront du Tchad, du Cameroun, du Congo, du Gabon. On va donner de l'emploi à nos enfants. On va enfin être respecté dans le monde. Président, je vous en supplie. Reprenez langue avec votre frère, le président Touadéra. Revenez au niveau de la palabre africaine. N'acceptez pas d'être le cheval de Troie de la déstabilisation française et occidentale sur le continent africain. D'accord. Je sors par là en lui disant. Les morts et les vivants nous regardent et nous jugent. Les actions que nous poserons aujourd'hui, nous en serons comptables demain au grand tribunal de l'histoire africaine. Ce tournant que l'Afrique prend, l'Afrique ne peut pas le rater. Et pour cela, nous devons nous débarrasser de tous les repos et tous les scories à la fois intellectuelles, mentales, morales et acter rapidement la voie de notre indépendance et de notre libération pour que très rapidement nous puissions avoir un espace d'une fédération des États Unis d'Afrique où nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants auront enfin l'impression que les générations qui les ont précédées, dont vous êtes l'un des éminents représentants, s'étaient vraiment sacrifiés pour qu'ils puissent eux aussi être respectés à travers le monde. Monsieur le Président, c'est tout ce que je peux vous dire. Au Président Touadéra, maintenez la main tendue, Président. Maintenez la main tendue, je vous ai très diplomate pour que justement on puisse éventrer ce plan diabolique de l'Occident sur notre continent. Merci, merci à vous, patient parfait d'homme. Afrique Média, le monde, c'est nous.